Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté les exercices de combat des militaires du bataillon d'opérations spéciales directement relevant de l'unité 525 de l'Armée Populaire de Corée. Il a été accueilli dans le champ d'entraînement par des cadres responsables de l'armée, notamment le sous-maréchal Fang Byung-so, chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée. Il a écouté au poste d'observation le rapport sur les préparatifs d'alerte du personnel et des équipements et le plan d'exercice. Les exercices ont été destinés à vérifier la capacité de combat réelle des militaires du bataillon d'opérations spéciales, directement subordonnés à l'unité 525 de l'armée populaire de Corée, et le caractère pratique des méthodes de frappe des objets particuliers dans la zone d'opération sud-coréenne. Le maréchal Kim Jong-un a lancé l'ordre de commencer les exercices. Regardons les vaillants soldats exécutant des missions de combat de façon indépendante et active, en abattant en tous sens les objets spéciaux ennemis, le commandant suprême a estimé formidable en déclarant avec un large sourire que les ennemis n'auront même pas de temps de se cacher loin de la résistance. Il a complimenté haut les officiers et soldats qui ont renforcé la troupe en rang de combat invincible en s'entraînant de façon assidue pour une journée de combat décisif. Il a souligné que pour que les militaires de la troupe d'opération spéciale livrent des actions de combat courageuses dans la sphère d'activité en Corée du Sud, il faut livrer de façon intensive les exercices de marche, de tir, de natation, de franchissement de limites naturelles et de cultivation de la capacité de survivre dans la campagne, dans l'atmosphère de combat réel, pour se faire expert de guérilla. Le commandant suprême a déclaré qu'à travers le dernier exercice, il a pu bien savoir l'ardeur d'exercice Paektusan régnant dans toute l'armée et invité à marquer un tournant révolutionnaire nouveau dans les exercices de combat et formation politique dans le cadre de la révolution en exercice et de renforcement du potentiel militaire en 2017 significatif aussi, afin de consolider parfaitement la combativité de la puissance révolutionnaire Paektusan. Il a présenté des tâches stratégiques pour les préparatifs de combat et le renforcement de combativité de l'armée populaire, notamment l'adaptation des exercices à la réalité du pays, la modernisation et la scientifisation des exercices. Le maréchal Kim Jong-un a rencontré les militaires qui ont participé aux exercices pour les apprécier haut pour la réussite aux exercices et encourager cordialement avant de faire don des jumelles et du fusil automatique au bataillon d'opérations spéciales et de se faire photographier en souvenir avec eux.